Plage 3, la relaxation. Maintenant que vous en savez beaucoup plus à propos de Ho'oponopono, il est grand temps de commencer à pratiquer. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il est fondamental de vous relaxer, afin de faire cesser le tumulte qui est peut-être installé dans votre tête, de délaisser le monde profane pour entrer en contact avec votre être véritable qui créera le lien entre vous et le divin, afin aussi de procéder au nettoyage de vos mémoires erronées. Cette phase est importante et je vous conseille de toujours y avoir recours avant d'entamer votre pratique. Pour débuter cette relaxation, je vous demande de fermer les yeux. Vous ne les rouvrirez qu'à la fin de cette méditation. Prenez de profondes inspirations par le nez et expirez par la bouche, comme ceci. Encore. À chaque fois, vos inspirations sont de plus en plus profondes et vos expirations de plus en plus puissantes. Vos pensées et votre corps se calment et s'apaisent un peu plus à chaque respiration. Continuez encore un peu. Vous allez à présent focaliser votre attention sur vos pieds. Sentez-les se détendre progressivement. Vous êtes vos pieds. Toutes vos pensées sont en eux. Faites monter votre conscience dans vos mollets, tranquillement, progressivement. Eux aussi se relaxent, se déstressent lorsque vos pensées sont en eux. C'est au tour de vos cuisses. Montez progressivement vos hanches, votre pubis et tout le bas de votre dos sont désormais aussi légers qu'une plume. La sensation de pesanteur a totalement cessé dans toute la partie inférieure de votre corps. C'est au tour de votre vessie, de vos intestins et de vos reins de se relâcher. Sentez-les vivre. Soyez en eux. Sentez votre colonne vertébrale s'alléger, comme si elle n'avait plus le poids de votre corps à supporter. Elle s'allonge. Un fil invisible partant de votre crâne vous étire vers le haut. Votre cœur à présent. Voyez-le battre de manière régulière et se gorger du sang de la vie, de votre vie. Devenez ces battements rythmés et pleins d'énergie. Visitez l'intérieur de vos poumons. Ressentez l'air que vous inspirez et les pénétrez. Ils se détendent calmement, paisiblement. Vos épaules sont relâchées, vos mains, vos bras, puis votre gorge, votre mâchoire, Il n'y a plus aucune tension. Vos yeux, vos paupières et vos sourcils sont détendus. Sentez votre nuque se relaxer. Votre tête ne pèse plus rien. Votre cerveau est aussi léger qu'une bulle d'air et votre crâne n'existe plus. Vous êtes maintenant parfaitement détendu, même si votre conscience est toujours dans votre corps où nous allons rester encore un moment. Baladez-vous dans votre corps, librement. Soyez dans l'ensemble de votre corps en même temps. Sentez-en chaque endroit. Progressivement, ressentez l'énergie qui se dégage de lui, les vibrations qui en émanent. Visualisez votre corps devenir lumineux, flamboyant, vibrant. Ressentez ce bien-être, cette confiance, ce pouvoir qui sont en vous. Vous ne faites plus qu'un avec votre âme, avec l'amour qui se dégage d'elle. Imprégnez-vous de ce divin qui est en vous et que vous découvrez maintenant. Laissez-le vous envahir, prendre le contrôle de votre être, comme une vague déferlante sur votre vie. Laissez cette vague divine, d'amour, de magie, de bien-être vous submerger. Elle emporte tout sur son passage, votre passé, vos peines, vos troubles du moment. Il n'y a plus que ce divin et votre conscience qui soit en vous. Tout le reste a disparu. Vous ne faites plus qu'un avec le divin qui est en vous. Vous vous êtes reconnecté à lui. C'est lui, à présent, qui prend votre vie en main et qui va effectuer, maintenant, les nettoyages dont vous avez besoin. Gardez les yeux fermés et restez dans cet état de relaxation.